La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Amos Oz nous a quittés le 28 décembre dernier à l'âge de 78 ans, à l'issue d'une vie passée dans les livres, lui qui désirait, quand il était enfant, se changer justement en livres, car contrairement aux êtres humains, les livres peuvent toujours trouver une bibliothèque où se réfugier et ainsi ne jamais mourir. Lui a pourtant bien connu le destin des mortels et il est parti alors que la solution politique qu'il a défendue toute sa vie, celle d'un compromis entre juifs et arabes pour une solution à deux états en Israël, ne semble pas prête de se réaliser. Car chez Amos Oz, il y a en effet l'écrivain et l'homme public, l'intellectuel engagé pour la paix et le poète de l'intime. Et c'est de ce dernier aspect, ainsi que de son rapport charnel avec la terre d'Israël, dont nous parlerons demain avec Michel Taubert et Jean Materne. Mercredi, nous serons avec l'écrivain Avraham Yehoshua, ainsi qu'avec Gilles Rosier, l'ancien directeur de la Maison de la Culture Yiddish. Et enfin jeudi, c'est Sylvie Cohen, sa traductrice en français, qui viendra nous parler de lui, alors qu'en seconde partie, Olivier Barbaran évoquera son grand roman-poème « Seule la mer ». Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour raconter la vie d'Amos Oz par le prisme de la psychanalyse, nous sommes en compagnie du psychanalyste Marc Laurent. Il a publié, avec Dominique Sian, les actes du colloque Amos Oz, écrivain de langue et d'une terre, Israël, organisé par l'Association culturelle et sociale israélite de Reims et qui s'est tenue donc dans cette ville le 25 novembre dernier. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs. Je suis né et j'ai grandi dans un rez-de-chaussée exigu, bas de plafond, d'environ 30 mètres carrés. Mes parents dormaient sur un canapé qui, une fois ouvert pour la nuit, occupait presque entièrement l'espace d'un mur à l'autre de la chambre. De bon matin, ils l'escamotaient, dissimulaient la literie dans les ténèbres du coffre, ils rabattaient le matelas, repliaient et refermaient l'ensemble avant de le recouvrir d'une housse gris clair où ils jetaient quelques coussins orientaux brodés, effaçant les traces de la nuit. La pièce servait à la fois de chambre à coucher, de bureau, de bibliothèque, de salle à manger et de salon. La pénombre régnait dans les deux chambres, la kitchenette, la salle de bain et surtout le couloir de communication. Il y avait des livres, partout. Papa lisait 16 ou 17 langues et en parlait 11, avec l'accent russe. Maman en parlait 4 ou 5 et en lisait 7 ou 8. Ils discutaient en russe et en polonais quand ils ne voulaient pas que je comprenne, ce qui était pratiquement toujours le cas. « Что с тобой? Видишь мальчик рядом с нами? Qu'est-ce qui te prend? Tu ne vois pas que le gosse est là ?» s'emporta papa en russe un jour que ma mère avait lâché par mes gardes en hébreu le mot « étalon » en ma présence. Un extrait d'une histoire d'amour et de ténèbres, lu par Manuel Weber dans une traduction de Sylvie Cohen pour les éditions Folio Gallimard. Bonjour Marc Laurent. Bonjour. Cet extrait qu'on vient d'entendre du grand récit autobiographique d'Amos Oz doit interpeller, j'imagine, le psychanalyste que vous êtes, car il y avait des mots qui étaient interdits chez Amos Oz du temps de son enfance. Ses parents parlaient en cachette des langues qu'ils voulaient incompréhensibles pour leur fils. Oui, il y avait beaucoup de secrets. Secret plus ou moins inventé, parce que c'était un enfant vif. Hein. C'était en yiddish, il le surnommait le Verständiger Kind, l'enfant qui comprend vite, qui saisit. Hein. Mais néanmoins, il y avait effectivement quelque chose du secret, d'autant plus que nous allons parler du contexte familial et de ce que lui-même appelle cette névrose juive qui saisissait le quartier de Kerem Abraham, ce quartier de Jérusalem où vivait une majorité de Russes, hein, qu'il décrit comme ayant une existence fripée, dans des petites intrigues, des petits secrets, des choses médiocres. Hein. Il raconte aussi avec une certaine tendresse que lorsque sa mère, à la rue, se servait le thé, si par hasard elle venait à se pencher un peu trop vers l'homme à qui elle servait le thé. Il rougissait, était très gêné. Mmh. Voilà. Donc il y avait quelque chose, toute une série d'empêchements chez ces gens-là. Tout semble étriqué dans la vie du jeune Amos Oz, y compris son appartement, l'appartement Absolument. De ses parents. Il le disait là dans la lecture qu'on a faite de son récit autobiographique. Ça montre aussi que la famille est dans la gêne à ce moment-là, et qu'elle le sera toujours. À divers titres. La famille est dans la gêne, et, au sens le père qui venait de Vilnius aurait voulu avoir un poste à l'université, alors qu'il était titulaire d'un doctorat de littérature comparée, mais il semble qu'à l'époque il y avait plus de professeurs que d'étudiants, et de toute façon il n'avait pas un diplôme venant accordé par une université suffisamment prestigieuse pour pouvoir prétendre à avoir un poste à l'université. Il s'est donc rabattu sur un poste de bibliothécaire, activité honorable évidemment, mais qui ne correspondait absolument pas à ses rêves. Et donc il a eu toute sa vie une existence, enfin toute sa vie à Jérusalem, une existence étroite, avec des revenus réguliers certes, mais limités. Et ils habitaient dans un appartement tout petit, encombré de livres. Amos décrit qu'il y avait des milliers de livres partout. Son père avait une passion pour les livres, une passion même charnelle, nous y reviendrons. Il les aimait, il les tripotait, il les reniflait. Et lorsque, par exemple, sa mère demandait à son mari d'aller vendre quelques livres pour pouvoir acheter des provisions pour le Shabbat, il partait la mort dans l'âme et il revenait tout contrit parce qu'avec l'argent, il avait acheté d'autres livres. Oui, il n'avait pas pu résister. Amos raconte toujours dans son autobiographie le jour où son père lui a donné un morceau d'étagère où lui-même pouvait mettre ses propres livres. Oui, de son père, il a reçu quelque chose qui ressemble à une méthode de travail, le goût de l'ordre. Et son père, un jour, signe de promotion et de reconnaissance, lui a donné 30 centimètres de son étagère pour pouvoir ranger ses propres livres. Et Amos les a rangés par taille. Pour faire joli. Pour faire joli, parce que semble-t-il, c'était plus harmonieux, plus décoratif. Scandale du père qui lui a expliqué qu'il y avait bien d'autres façons de ranger les livres, par édition, par couleur, par thème, par auteur, etc. Et ça a été un essai douloureux et un échec douloureux. Alors il faut remonter un petit peu plus loin dans la généalogie, raconter donc ses parents originaires de Russie et de Pologne, oui. Peut-être remonter même jusqu'aux grands-parents, oui, et oui. En particulier au grand-père paternel, qui était lui un poète et un homme d'affaires russe. Oui, alors le grand-père paternel, Alexandre Klausner, venait d'Odessa. Et après la révolution russe, sa situation a été intenable, parce qu'il ne faut pas oublier que ces gens-là étaient inspirés par un sionisme très conservateur, nationaliste. Hein, c'était la branche Jabotinsky. Hein. Oui. Et donc, qui était minoritaire à l'époque, parce qu'il y avait un sionisme qui était davantage de gauche. Donc, le grand-père est parti pour Vilnius, qui était à l'époque en Pologne. Et peu à peu, évidemment, la situation en Pologne s'est à son tour détériorée. Et donc, c'est en 1933 qu'il est parti pour Jérusalem. Alors, il faut dire un mot aussi de ce grand-père, parce que, alors, évidemment, c'est un écrivain, Amos Oz, donc quand il parle de sa famille, on a l'impression qu'il n'y a que des personnages extraordinaires. Ouais. Mais enfin, le personnage du grand-père est tout de même intéressant. Il ressemblait au dandy des romans d'Isaac Babel. Oui, oui, oui. C'était quelqu'un qui aimait beaucoup les femmes. Absolument. Et qui a découvert, après la mort de sa femme, il lui restait encore 20 années à vivre, il est vécu assez âgé, oui, il a découvert qu'il pouvait avoir une seconde vie de séducteur. Oui, oui. Moi, quand j'ai lu ce livre, j'avais dans l'esprit l'image de ces dandys, effectivement, en costume blanc, des romans russes, hein, notamment dans ce film « Les yeux noirs hein, », où l'on voit Marcello Mastroianni, toujours fringant et toujours séducteur. Le grand-père est effectivement un poète, semble-t-il pas un poète majeur, mais il avait hérité de son père un commerce de peau et il était assez florissant. Et lorsque la grand-mère, Shlomit, est décédée, il avait effectivement 67 ans et il a vécu les 20 dernières années entouré de veuves, de divorcées, de consolatrices en tout genre, d'expertes en affaires de cœur. Et Amos dit très clairement les choses, il dit que il y a des hommes qui aiment beaucoup le sexe mais qui détestent les femmes. Mais son grand-père, lui, semble-t-il, aimait beaucoup les deux. Angèle, вам билет с плацкартой. Вы едете сегодня в 19:30. Поезд номер 3, вагон номер 2, место 15. Место 15. Место 15. Место 15. La compagnie des auteurs sur France Culture, nous racontons la vie d'Amos Oz. Avec vous, Marc Laurent, on peut parler un petit peu du grand-oncle, Yosef. Lui aussi est une figure intéressante de la famille. Une figure intéressante de la famille, universitaire reconnu, qui, au début des années 20, était parti de l'Ukraine pour Haïfa. Et il avait été associé à un comité de, je ne connais pas le titre exact, mais le comité de qui consistait à fixer la langue hébraïque, hein, donc une académie en quelque sorte. Hein. Donc il a contribué à forger l'hébreu moderne. Oui. Son grand-père était un universitaire reconnu, prestigieux, ami de Agnon, futur prix Nobel en 66 avec Nelly Sachs. Et évidemment, on pourrait dire que Amos a sauté sur ses genoux. Hein. D'ailleurs, il y a des anecdotes qui sont racontées toujours dans une histoire d'amour et de ténèbres sur le petit Amos Oz qui aurait tiré sur la moustache de Agnon. Oui, tout à fait. Et il en profite pour raconter comment toutes ces histoires ont été enjolivées par la suite, évidemment. Bien sûr. Alors, il faut revenir un petit peu sur le père d'Amos Oz, bibliothécaire. Donc, on l'a dit, pour vous, disons-le tout de suite, Marc Laurent, toute la vie d'Amos Oz et son œuvre aussi trouve sa cohérence finalement dans son enfance et notamment dans le rapport aux parents. Et il faut expliquer que le père d'Amos Oz est quelqu'un qui est donc un peu décevant, probablement une personnalité un petit peu risible, un petit peu faible. Par exemple, il aime faire des blagues alors que visiblement il n'est pas très drôle. Quelle est la vision finalement que le petit Amos Oz entretient sur son père ? Comme beaucoup de petits garçons, je n'ose pas dire comme tous les petits garçons, il commence par avoir une image grandiose du père. Hein, oui. Image grandiose du père, avec lequel il bavarde, avec lequel il parle de choses sérieuses, avec lequel il parle de ses lectures, auquel il raconte ses batailles épiques qu'il organise sur le tapis de la chambre avec trois bouts de ficelle, un bouchon et une cuillère, où en général en chef des armées des Hébreux, il bat à plate couture les ennemis de l'époque, romains de l'Antiquité, anglais d'aujourd'hui. Donc son père est son complice et son témoin. Oui, parce qu'il n'est pas le dernier, le petit Amos Oz, à crier « British go home » bien sûr, avant la création de l'État d'Israël. Oui, tout à fait, tout à fait. Et donc, l'image du père passe par différents stades. Après le père grandiose, disons que son étoile a pâli, hein, que son prestige s'est atténué, au fur et à mesure que Amos a pris conscience du fait que le père n'était pas un créateur, comme le grand-père, n'était pas une référence académique, comme l'oncle. Oui. Le père a écrit et publié des livres, mais qui ne se vendaient pas. Non. Et il fallait même que les amis du père aient la librairie pour acheter les exemplaires. Oui. 5 exemplaires. Oui, oui, tout à fait. Donc le père était... Voilà. Et ce qui a aussi frappé Amos, c'est que le sionisme de son père, dont le père faisait profession, était à bien des égards velléitaire. Puisque c'est un père qui était infoutu de faire pousser des radis dans le jardin, et qui était à peu près incapable de mettre des munitions dans le fusil que les services de la protection civile lui avaient confié comme civil pour faire partie des hommes qui servaient d'appui à l'armée régulière. Autrement dit, la figure du père était assez éloignée de la figure héroïque du pionnier qui cultive la terre et la défend, qui monte en chantant dans les camions pour aller récolter les oranges et qui a toujours une arme à portée de la main. Et pourtant, ils veulent faire un petit peu d'Amos Oz, le père comme la mère, une espèce de nouveau juif, une espèce de juif parfait. C'est le fantasme au départ, parce que eux-mêmes sont très déçus de leur arrivée en Israël. Il faut dire que Fania, la mère, est arrivée, elle venait aussi d'Ukraine, et elle est arrivée de Prague où elle avait fait des études. Bon, on dit qu'elle était de santé fragile et de caractère rêveur. Et le père, lui, était effectivement assez velléitaire, faisait des plaisanteries assez faciles et luttait contre peut-être sa dépression, en tout cas contre le vide, contre le silence, par des plaisanteries incessantes. Il taquinait les femmes, il parlait à son fils de façon à la fois grandiloquente et moqueuse. Sa seigneurie voudra bien finir sa purée. Est-ce que sa grandeur va bientôt ranger sa chambre, vous voyez ? Et à la longue, ça finit par lasser Amos, parce qu'il voyait bien que de ce père ne venait pas un discours plus consistant. Ouais. Par lasser Amos, et puis par lasser aussi sa mère, qui a trouvé ce mari, peut-être, oui, au fur et à mesure, un petit peu ennuyeux. Un peu lassant, tout à fait. Un peu lassant. Ce qui a contribué à sa solitude, parce que quand on s'intéresse à l'histoire d'Amos Oz, on est frappé par le fait que la dynamique familiale, par bien des égards, se superpose au contexte historique. Par exemple, 1939, c'est à la fois la naissance d'Amos Oz et le début de la guerre en Europe. Ce qui fait que c'est cet homme et cette femme qui sont déçus parce qu'ils ont trouvé en Israël, à Jérusalem en particulier, ont un enfant, et d'autre part la guerre a éclaté en Europe. Ce qui fait que le retour en Europe est au moins compromis, voire impossible. Mmh. Ils sont, et elle le vit douloureusement, comme assignés à résidence à Jérusalem. Et ça détermine un mal de vivre qui évidemment n'échappe pas à Amos, et il le dit sans arrêt qu'il a bien perçu la vie ratée de l'un et les cuisantes déconvenues de l'autre, dont il s'était chargé de trouver une issue. Alors vous dites chargé, c'est intéressant parce que Amos, ça signifie chargé justement. Chargé. Mmh. Mais la première acception pour moi, c'est Amos, ils l'ont prénommé Amos parce qu'effectivement il était le signe d'un nouveau départ. C'était l'image du nouveau juif. Il dit d'ailleurs malicieusement que ses parents ont accompli un effort génétique pour avoir un enfant blond aux yeux bleus, alors qu'eux-mêmes ont les yeux bruns et les cheveux noirs. Et pour eux, sans doute, il est comme un prototype de quelque chose qui va les aider à sortir de leurs errances, de leurs trébuchements, de leurs échecs. Hein. Alors je dis Amos Oz depuis le début de cette émission, mais en réalité, il ne s'appelle pas encore de ce nom-là, puisque le nom de son père, c'est Klosner, et Oz, c'est seulement un pseudonyme qu'il va prendre, pas très tard d'ailleurs, on aura l'occasion de le voir. Mais Klosner, c'est important aussi, ce Klosner, c'est important, en allemand, ça veut dire le reclus, l'ermite. Et effectivement, le père est prisonnier de sa carrière universitaire sans perspective, prisonnier du prestige de l'oncle et du grand-père qui l'écrase, prisonnier de ce petit appartement encombré de livres et enfumé. Sylvie Cohen a une jolie expression, elle parle d'un appartement fuligineux, hein, c'est-à-dire que dont les murs sont noirs, c'est vraiment très très très obscur, au confort médiocre. Le père est effectivement prisonnier à bien des écarts, prisonnier aussi de sa maladresse dans les actes de la vie quotidienne. Mmh. Il ne sait pas faire quoi que ce soit. Tout ce qu'il peut faire bien, c'est des fiches, mais à propos des écrits des autres, pas en son nom propre. Il écrit des fiches de manière assez obsessionnelle sur les écrits des autres, qu'il collectionne des milliers de fiches. Et il a cette existence étriquée entre le bureau et la maison. Mais alors l'élément déterminant de l'enfance d'Amos, donc Klosner, c'est évidemment le suicide de sa mère dont il a parlé dans son autobiographie, Une histoire d'amour et de ténèbres. Cette fois, comme la pluie s'était un peu calmée, les rues n'étaient pas complètement désertes et ma mère n'erra pas au hasard. Elle trouva la rue d'Isengoff, à l'angle du boulevard Keren Keyemet les Israël, et de là, elle traversa les rues Gordon et Frischmann avec son joli sac noir en bandoulière. Elle contempla les belles vitrines et les cafés, et elle eut un aperçu de ce que l'on pensait être la bohème de Tel Aviv, spectacle qui lui parut éculé, usé et triste, une pâle imitation de quelque chose de pathétique et misérable. C'était pitoyable, mais elle n'avait plus de pitié. Elle rentra dans la soirée, elle ne voulut toujours rien avaler, elle but 2 tasses de café, s'installa avec un livre qui tomba par terre quand ses yeux se fermèrent, et pendant une dizaine de minutes, oncle Tzvi et tante Aya crurent l'entendre ronfler légèrement, par intermittence. Elle se réveilla et annonça qu'elle avait sommeil, que le docteur avait eu raison de lui conseiller de marcher plusieurs heures par jour, et qu'elle sentait qu'elle allait enfin pouvoir se coucher tôt, ce soir-là, et dormir d'un sommeil de plomb. À 8h30, sa sœur refit son lit au fond duquel elle glissa une bouillotte, sous la couette, car il faisait très froid la nuit, et la pluie recommençait à battre les volets. ma mère décida de se mettre au lit tout habillée, et pour s'assurer que cette fois, elle ne se réveillerait pas pour passer une autre nuit épouvantable dans la cuisine, elle se versa une tasse de thé du thermos que sa sœur avait posé sur la table de chevet, et quand il eut refroidi, elle prit ses somnifères. Si j'avais été à côté d'elle, dans la chambre donnant sur la cour arrière, chez oncle Tsvi et tante Aya, à 8h30 ou 9h moins le quart du soir, ce samedi-là, je me serais bien sûr évertué à lui expliquer pourquoi il ne fallait pas. Et si je n'y étais pas arrivé, j'aurais fait mon possible pour l'attendrir, pour qu'elle ait pitié de son fils unique. Une lecture par Manuel Weber. Alors la mort de la mère d'Amos Oz, c'est évidemment le traumatisme de son enfance, de son enfance ou de son adolescence d'ailleurs, parce qu'elle se suicide alors qu'il est à la charnière des deux, puisqu'il a 12 ans. 12 ans, entre 12 et 13 ans. Oui, oui, tout à fait. On l'a beaucoup écrit sur la mort de sa mère, sur le fait que lui-même dit abandonner, c'est trahir, trahison ou abandon. Il a des mots assez durs envers elle. Il dit à un moment donné, je la détestais. Je la détestais, mais je me détestais de la détester en même temps. Hein, c'est-à-dire qu'au fond, il y a quelque chose. Effectivement, je le dis quelque part que il y a quelque chose du moi idéal infantile là qui tombe, hein, qui de cette magnificence, de cette toute puissance de l'enfant qui s'effondre. Mais je crois qu'il faut dire que si Amos Oz, c'est d'ailleurs une question qui m'avait été posée dans le colloque, si Amos Oz ne s'est pas effondré à la mort de sa mère, c'est parce que je crois sa mère lui avait déjà donné la force de vie. C'est l'épisode de la chaussure sur laquelle on va revenir. Oui, oui, tout à fait. Hein. En revanche, allez-y, pardon. Oui, c'est-à-dire que on pourrait penser que cet abandon a été dévastateur. Je ne crois pas. Ce n'est pas un abandon. Je dirais que c'est plutôt une trahison. Et la différence que je ferai entre l'abandon et la trahison, c'est que l'abandon est quelque chose de plus existentiel. C'est l'être même qui on dit laisser tomber, qui tombe, qui s'effondre. Hein. Alors que dans la trahison, il y a une dimension intellectuelle. Hein. Je n'ai pas misé sur le bon numéro. J'ai été trompé. Il y a aussi une dimension mentale et intellectuelle. Et je crois que ça n'est pas indifférent au fait que toute sa vie, Amos Oz, il le dit, il le théorise longuement, a essayé de voir les choses sous différents angles. Et notamment d'envisager toujours le point de vue de l'autre dans le conflit israélo-palestinien. Alors il va rentrer quand même en rébellion contre son père parce qu'il le tient en partie pour responsable du suicide de sa mère. Oui, il est bien conscient du fait que sa mère n'a pas été heureuse. Évidemment, il faut lire ça dans la dynamique édipienne, dans la rivalité avec le père. Peut-être reproche-t-il au père de n'avoir pas su rendre la mère heureuse. Alors que plusieurs fois dans ce livre, il fait référence à des situations où pompier ou héros, il sauve la mère de ses flammes, de son démon, etc. Donc inconsciemment, peut-être avait-il l'idée que lui aurait pu la tirer vers la vie et l'extraire de la pente dans laquelle elle s'était engagée. En tous les cas, il va essayer d'être l'exact contraire de son père. Ça, c'est dangereux. Et en même temps, y arrivera-t-il ? Ça n'est pas sûr. Et il dit quand même, mon père était petit, je voulais devenir grand, mais même physiquement, ce qui est amusant. Oui, c'est dangereux de vouloir faire l'exact contraire, parce que quand on fait l'exact contraire, au fond, on reproduit la même image, mais en négatif. Mais on n'en sort pas, c'est la même image. Moi, je préfère dire que Amos Oz a métabolisé l'héritage parental, c'est-à-dire qu'au sens étymologique, un métabolène, il l'a projeté au-delà, hein, dans un au-delà littéraire et politique. Et finalement, il n'a pas trahi ses parents. Parce que au fond, si on fait le bilan, à 15 ans, on va revenir sur ces différentes étapes, il a réalisé par des voies personnelles les aspirations de ses parents. C'était un jeune juif parlant hébreu. Il est rentré au kibbutz. C'était un sabra, un jeune juif parlant l'hébreu. Par son existence de kibbutznik, il était un sioniste engagé. C'est tout de même assez puissant de partir à 15 ans, oui, tout à fait. De quitter sa famille pour aller dans un village cultiver la terre. Alors qu'on est soi-même un gringalet, quoi, plus ou moins. Il se destinait à la littérature, c'est-à-dire que par rapport aux fantasmes ou aux vœux de ses parents, il a fait carton plein. Et c'est là qu'il le change de nom, et c'est lui qui choisit ce nom de Oz, O-Z, qui signifie la force. La force. La force. Alors, évidemment, il y a là quelque chose, peut-être, on pourrait dire, dans une lecture un peu superficielle, quelque chose d'incantatoire. Hein. Il faudrait être fort. Hein. Il y a d'autres exemples d'auteurs qui ont changé de nom. Je pense à Romain Gary, qui ont changé de nom et qui ont pris des noms de feu. Gary, c'est le brûlé, c'est ouais. L'impératif du verbe brûler en russe. Et puis après, c'est Ajar. Ajar, c'est la braise. Mm. Donc c'est le feu qui s'installe dans la durée. Donc il y a quelque chose d'incantatoire, quelque chose d'une image de soi qui se projette. Mais chez Amos Oz, je pense qu'il y a quelque chose de plus intime qui est lié avec les expériences primordiales avec la mer, qui a su cette mère, on va y revenir, donner à son fils cette force de vie, cette intensité de vie qui ne l'a plus jamais lâchée. En tout cas, le choix du kibboutz, c'est vraiment d'éprouver le père, de mettre le père à l'épreuve. Ouais. Et c'est là aussi où vous voyez qu'il y a une problématique qui vous semble la problématique oedipienne par excellence. Oui, il éprouve le père, il le met à l'épreuve, mais la langue française nous fait des clins d'œil. En éprouvant le père, il le ressent. Hein, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de dialectique. Il éprouve le père, il le met à l'épreuve, mais il secoue le cocotier, mais le cocotier a du répondant. Parce que, et c'est là que je propose cette idée que le lien au père est soutenu par des identifications successives, lorsque l'image du père pâlit, lorsque son prestige diminue, c'est une autre facette du père qui prend le dessus. C'est le père sexuellement actif. Au moment où la puberté commence à travailler le jeune Amos, il voit son père comme un homme, comme un homme. Une scène extraordinaire, c'est celle où la mère qui est déjà qui est en proie à sa déréliction, qui va mourir, qui a choisi de ne plus vivre, en tout cas, dit à son mari en lui caressant les cheveux, va arriver, va jouer dans la rue. Ce ne sont pas toutes des bouts de moi, des bouts de bois comme oui. Moi. Va trouver une femme, quoi. Voilà. Mmh. Et le père, qu'est-ce qu'il fait? Il va se pomponner, il se parfume, il s'asperge d'eau de toilette, il met un chapeau à la Humphrey Bogart, un parapluie, il chantonne une ritournelle et il va jouer dehors. Mmh. Il va jouer dehors. Et le soir même, ça c'est tout à fait étonnant, le soir même, c'est la toute première mention de ses pratiques auto-érotiques, de la façon que Amos a trouvé de décharger cette énergie qui envahit son corps, il raconte que le soir même, alors que il savait où allait son père tout en ne le sachant pas, mais tout en ne voulant pas le savoir et tout en lui pardonnant, là on voit bien qu'il y a un conflit psychique intense avec des forces contraires qui s'opposent, mais il finit en disant que le soir même, dans son lit, il rend les armes, mon corps était devenu mon pire ennemi. C'est donc bien l'image de ce père sexuellement actif qui actualise en quelque sorte ce trouble de l'adolescence et cette excitation liée à la puberté. En tous les cas, en rapport donc avec cette problématique oedipienne, Amos Oz part au kibboutz. Sur cette expérience du kibboutz, on écoute Amos Oz en archive. Oui, j'ai cru au kibboutz. Et j'ai cru que le kibboutz était un nouveau monde. Très rapidement, j'ai appris que même au kibboutz, il y a de la solitude. Et peut-être une solitude beaucoup plus difficile au kibboutz qu'elle ne l'est dans une grande ville. Parce que dans une grande ville, on sait qu'on est un parmi des millions et que personne ne vous connaît. Dans un endroit restreint comme le kibboutz, chacun se connaît. Et en dépit de cela, la solitude existe. Et la jalousie. Et le manque d'humanité. L'égoïsme. Et aussi la petitesse d'esprit. Tout existe au sein du kibboutz. Très rapidement, j'ai découvert ces choses-là. Et quand je les ai découvertes, je n'étais pas en colère. Mais je les ai prises avec humour et empathie. La compagnie des auteurs sur France Culture. Alors malgré cette solitude, ce désenchantement du kibboutz, il va quand même vivre près de 30 ans près de la frontière jordanienne et être un vrai kibboutznik. Ah oui, tout à fait. Il a fait le choix d'aller vivre au kibboutz. C'était pour lui une façon de sortir de cette impasse, parce que finalement, après la mort de la mère et après avoir vu les limites dans lequel l'enfermait son lien avec son père, il a voulu, dit-il, mettre de l'ordre dans sa vie, puisque l'appartement était envahi par des détritus, sentait pas bon, les résultats scolaires sont tombés en chute libre. Il a voulu mettre de l'ordre dans sa vie, et il avait dit à sa tante qu'il ne serait pas poète, qu'il renonçait aux sentiments, qu'il renonçait à la littérature, qu'il voulait être un kibbutzim, qu'il voulait travailler, qu'il voulait être un dur. Donc c'est ce qu'il va essayer de faire. D'ailleurs, évidemment, on va le traiter assez durement. Et puis, au fur et à mesure, malgré tout, c'est peut-être le retour du refoulé, je ne sais pas, il a envie, il a besoin d'écrire. Oui, mais sur d'autres bases que celle de reproduire à l'identique l'activité de ceux qui l'ont précédé. Hein, c'est ce que je disais, c'est-à-dire que ça renvoie à cette nécessité qu'il y a pour l'héritier de faire un pas de côté et de ne pas marcher dans les pas de ceux qui l'ont précédé. Hein, c'est Goethe, c'est Faust, ce que tu as hérité de tes pères, pour le posséder vraiment, il faut que tu le gagnes. Hein. Et donc, effectivement, Amos Oz a gagné ce qui son activité, ce qui le distingue. Homme de lettres, oui, mais pas parce qu'il est le petit-fils de son grand-père. Oui. Parce qu'il est lui-même. Et en 1966, il publie donc un premier roman, Ailleurs peut-être, qui va signer le début de sa notoriété. Et alors là, il va alterner pendant donc de nombreuses années entre conduire des camions, travailler au champ, et puis au fur et à mesure, d'ailleurs que le kibboutz se rend compte que ça rapporte de l'argent aussi, de vendre des livres et que ça rapporte de l'argent au kibboutz, oui. On va lui laisser de plus en plus de liberté et de plus en plus de temps pour écrire. Mais dès le départ, il a eu un statut privilégié. C'est-à-dire qu'il est entré au kibboutz et dès le départ, le directeur du kibboutz, ou le professeur en chef, enfin, avait repéré qu'il avait là un client pas comme les autres. Et donc, il a d'emblée bénéficié de certains privilèges, comme il avait un bureau sur un balcon pour pouvoir écrire. On a bien vu qu'il s'intéressait moyennement au groupe, hein, qu'il avait un intérêt assez réduit pour la vie communautaire. Il était ombrageux, solitaire, hein. Et il a très vite commencé à écrire dans le journal du kibboutz, tant et si bien que l'équipe éducative du kibboutz l'a repéré et l'a incité à faire des études à l'université et à revenir pour ensuite professeur. Voilà, pour être des études de littérature et de philosophie pour être lui à son tour professeur. Un petit mot peut-être sur le service militaire. Durant la guerre, il combat dans le Sinaï en 67 pendant la guerre des Six Jours. Il recombattra en 73 durant la guerre du Kippour. C'est important ça, Marc Laurent ? Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire que Amos Oz, il se définit comme un Hébreu. Hein, pas tant comme un Israélien, pas tant comme un Juif, mais comme un Hébreu. Hein. C'est-à-dire que pour lui, il est absolument décisif de prendre sa part et d'être là au poste, là où on l'attend, là où il a affaire. Et donc, tout en étant un partisan de la paix, il dit très clairement que il ne peut pas faire la paix avec des gens qui veulent sa mort. Pour faire la paix, il faut être deux. On va reparler de tout cela juste après la chronique de Valérie Thoragnan, qui vient de nous rejoindre. Valérie Thoragnan, directrice de la Revue des Deux Mondes. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. C'est donc en compagnie des revues avec vous, Valérie Thoragnan, aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Alors, sommes-nous décadents ? C'est la question que vous posez à la une de la Revue des Deux Mondes ce mois-ci, avec en couverture l'écrivain Michel Houellebecq. Oui, la vague de pessimisme et ou d'exaspération qui déferle sur notre pays est-elle la manifestation d'une époque décadente ? Dont Michel Houellebecq, notre écrivain pessimiste national, serait la figure par excellence. Alors, a priori, oui, même si son dernier roman, Sérotonine, peut se lire comme une tentative romantique désespérée de la quête d'amour. Houellebecq, en général, ne donne pas cher de notre époque. Mais pour l'écrivain Sébastien Lapac, la tentation décadente hante les livres de Houellebecq sans qu'il y cède. Une grande partie de son œuvre s'éclaire, dit-il, comme un effort pour critiquer et liquider l'impitoyable monde moderne sans céder au nihilisme mou du relativisme européen. Face à la tentation de la décadence, Michel Houellebecq se pose comme Georges Bernanos face à la tentation du désespoir. Il veut la traverser jusqu'au bout afin de s'en délivrer. Et surtout, ajoute-t-il, si son œuvre dissimule une théorie, une vision ferme et constante du monde et de la vie, c'est dans sa poésie qu'elle est cachée et qu'elle se trouve. Alors dans ce numéro de la Revue des Deux Mondes, vous explorez cette notion de décadence à la fois dans l'histoire et dans la littérature. Voilà, la question est posée dans ce dossier, cette saga de la décadence romaine dont l'exploitation littéraire, artistique et politique nourrit notre imaginaire collectif depuis le sac de Rome en l'an 410. Hein. Oui. Est-ce que c'est un mythe dont s'empare chaque époque successive pour dénoncer l'esprit faisant des temps, la mollesse des caractères, la médiocrité des élites, un pessimisme d'anti-moderne qui broie inlassablement du noir depuis la révolution de 1789 et regrette un âge d'or imaginaire? Ou bien n'avons-nous pas totalement tort de voir dans l'avènement des crises morales, civiles, sociales, politiques, contemporaines, le crépuscule d'une époque? L'académicien Xavier Darcos, auteur du dictionnaire Amoureux de la Rome antique, sonde notre penchant décliniste contemporain à la lumière des derniers soubresauts de l'Empire romain, sa décadence, sa chute, due à, je cite, un cercle vicieux d'instabilité politique, de crise de l'autorité, de tyrannie des minorités, d'invasion étrangère et de réduction des revenus fiscaux. Nous devons aussi à la mentalité latine la hantise de la guerre civile. Les Romains détestaient le despotisme, mais en même temps, ils préféraient une injustice à un désordre et ils redoutaient plus que tout la tyrannie des minorités ou des factions. Nous autres modernes, poursuit Xavier Darcos, nous comprenons bien cette hantise à l'heure des réseaux et des communautarismes marginaux mais excités, vindicatifs et venimeux. Pour l'historien Michel Vinocq, auteur de Décadence fin de siècle, il est frappant de noter les correspondances entre le boulangisme des années 1880 et le national-populisme d'aujourd'hui. La restitution de la volonté populaire, le gouvernement direct par le plébiscite ou le référendum, la mise au pas des élites, le renvoi des étrangers, le protectionnisme, l'antisémitisme et ou l'anti-islamisme, l'instauration d'un gouvernement fort, des analyses et des propos qui sont, on ne peut plus, en phase, hélas, avec l'actualité des dernières semaines. Et puis également dans ce numéro, tout autre chose avec le journal de l'écrivaine Nina Bouraoui. Oui, l'auteur de Tous les hommes désire naturellement savoir, a grandi à Alger. Elle explique dans ce texte comment l'écriture l'a transformée en faussaire de son passé et comme elle redoute le voyage en Algérie qui sera un retour vers le réel, sa beauté et sa violence. Lors de périples au Sahara, écrit-elle, j'ai découvert sur les parois des grottes du Tassili, des peintures représentant des hommes et des femmes dans des scènes de guerre ou de chasse. Ces images ne me quittent pas. La violence ne sera jamais hors du monde. Il faut inventer une nouvelle poésie, non pour apaiser, mais pour accepter cette violence. En chacun de nous veille une part sauvage. J'ai choisi l'encre et le papier plutôt que l'arc et les flèches. Un peu comme à la Revue des Deux Mondes. Voilà. Qu'on peut se procurer où, Valérie? Eh bien, écoutez, dans tous les bons kiosques et toutes les bonnes librairies. Merci Valérie, à très bientôt. Au revoir. C'est la compagnie des auteurs que vous écoutez sur France Culture. Nous parlons de l'écrivain israélien Amos Oz, disparu le 28 décembre dernier. Amos Oz interrogé ici par Paula Jacques en 2010. Yes, my one and only subject. Sur mon seul thème, c'est la famille. J'écris 27 ou 28 livres, et si l'on me demandait de résumer en un mot le sujet de mes livres, je dirais la famille. Si on me demandait en deux mots, je dirais les familles malheureuses. Et en trois mots, il faudrait que vous lisiez mes livres. Alors je vous demande pourquoi les familles malheureuses? Because I think this is the most Ce qui me semble que c'est le sujet le plus fascinant du monde. La famille, c'est l'institution la plus mystérieuse du monde, la plus paradoxale, la plus tragique, la plus drôle aussi, la plus absurde, et la plus merveilleuse et la plus terrible des institutions universelles. Si je vivais 300 ans et que j'écrive encore 200 livres, j'écrirais encore et toujours sur la famille. Est-ce que je peux vous demander Amos Oz, donc si cette espèce de fidélité, de prégnance, d'obsession de la famille ne traduit pas chez vous finalement une grande part d'enfance, parce que toutes ces émotions par rapport à la famille, vous les avez vécues enfant. Et donc c'est ça qui continue à parler en vous et qui vous fait travailler. Un des personnages de scène de Vie villageoise dit qu'en chaque être humain, il y a un enfant. Parfois, cet enfant est toujours vivant et parfois, il s'agit d'un enfant mort. L'enfant en moi est toujours très très vivant. C'est vrai qu'on pourrait croire, comme ça, de prime abord, que Amos Oz parle d'abord d'Israël, mais en réalité, il parle surtout de la famille, Marc Laurent. Oui, tout à fait. Son œuvre est tout entière circonscrite dans ce que j'appelais le système de coordonnées du départ, le père, la mère, la femme, Israël, la langue surtout. Hein. La seule langue que ses parents lui aient donnée. Pour éviter qu'il ne s'en aille en Europe. Pour en faire un concentré d'Israélien, pour en faire un Israélien qui serait sans attraction autre. Hein. Oui. Et il a baigné, il a été nourri de ce lait-là, et il aime passionnément cette langue. Il dit d'ailleurs souvent que l'hébreu est sa langue, et sa maison, sa demeure. Hein, au fond, c'est un environnement sonore qui lui est absolument familier et indispensable. Alors, il y a de l'amour dans la famille, oui. Il y en a beaucoup même, oui. Même s'il y a des incompréhensions. Et l'amour, c'est l'autre thème, un autre grand thème. Un autre grand thème, aussi bien l'amour de la mère, l'amour qu'a donné la mère, avec ses limites, parce qu'elle était minée de l'intérieur, mais aussi son amour, lui, pour les femmes, pour la langue, pour le pays, pour le peuple, pour les livres. Beaucoup d'amour. Et de l'amour pour les livres, parce que il a dit ensuite, quand il était professeur au lycée, et qu'il voulait leur donner envie à ses élèves de lire, que finalement la lecture c'était un processus amoureux, voire même un processus érotique. Oui, ne serait-ce que déjà le contact physique avec les livres. Il en parle d'une manière tout à fait frappante. Hein. Il parle de ces livres, de la couleur, de la douceur du cuir, de l'odeur érotique de la colle, de ces livres qui s'entrebâillent un peu comme le chemisier de la serveuse du Crystal Bar ou de l'Orient, d'un bar que sa famille fréquentait. Hein. Donc c'est un rapport aux objets aussi qui est spécial. Il y a plusieurs objets qui sont importants pour lui. Oui. Il y a la chaussure justement dans laquelle il va rentrer enfant parce que sa mère l'aide à mettre son pied dans la chaussure. Racontez-nous alors cet épisode qui est épisode fondateur. Pour moi c'est un élément absolument décisif. C'est le premier souvenir, enfin c'est celui qu'il repère comme étant fondateur de sa mémoire. Il dit que c'est l'élément fondateur de sa mémoire. Il y a un autre souvenir dans les mêmes pages, c'est celui où il avait 4 ans, quelque chose comme ça, et il s'est perdu dans un grand magasin où il avait accompagné une tante de la famille, et il a vu de dos une silhouette étrange, il a cru d'abord que c'était une petite fille difforme ou infirme, et quand elle s'est retournée, il a vu que c'était une naine au visage grimaçant, horrible. Il s'est enfui, terrorisé. Parce que d'abord, il est tombé amoureux, finalement, de cette silhouette, et ensuite, quand il a vu que ça n'était pas ce qu'il croyait, c'est comme si le monde s'écroulait sur lui, et il est parti se cacher. Voilà. Il a fallu le chercher dans tout le magasin pendant des heures. On l'a cherché dans tout le magasin. Je ne sais pas s'il était amoureux, mais en tout cas, il était attiré, intéressé par cette silhouette d'une petite fille, sans doute de son âge ou à peine plus grande. Hein. Et on l'a retrouvé dans un placard. Et il raconte que c'est un employé arabe du magasin qui est allé le chercher au fond du placard, qui était très bienveillant. Il le décrit avec beaucoup de précision, son costume, son sourire. C'était mon père à ce moment-là. Voilà. Enfin, c'était mon père, oui. C'est-à-dire qu'il dit que l'après-midi même, il n'a pas voulu blesser son père en lui disant que depuis le matin, il avait un autre père. Mmh. Hein, qu'il avait adopté quasiment un autre père. Hein. Donc, ce deuxième souvenir, même si dans le récit, il vient en premier, il est évoqué en premier, chronologiquement, c'est le deuxième, il est plus grand. Le premier souvenir, celui qui est fondateur de sa mémoire, se situe lorsqu'il a 2 mois ou 2 mois et 3 mois, 2 ans et 3 mois. C'est ce qu'il dit. Alors, c'est un moment tout à fait important. Sa mère lui offre une paire de chaussures en cuir. C'est sa première paire de chaussures en cuir. Et évidemment, le cuir fait appel, fait écho aux reliures des livres. Et d'emblée, il a avec cette chaussure un lien sensuel, puisqu'il est frappé par l'odeur du cuir, par la texture du cuir, par la souplesse du cuir, par cette matière très troublante. Hein. Il est dans un registre très archaïque, puisque son premier mouvement, c'est de plonger son museau, comme il dit, dans la chaussure, hein, déclenchant l'hilarité de l'assistance. Ah, ah, cet enfant, il n'en fera pas d'autre. Hein. Bon. Mais effectivement, il est troublé et il a cette mode d'approche et ce mode de prise de contact avec l'objet propre à la petite enfance. Il tripote et il renifle. Hein. Bon. Deuxième temps du souvenir. Pardon. Il est seul avec sa mère. Donc la focale est plus longue, c'est un gros plan. On ne voit que son pied, la chaussure, les mains de sa mère et la voix de sa mère. Hein. Donc sa mère l'aide à enfiler cette chaussure de cuir. Hein. Et il a des mots très forts pour indiquer la résonance des paroles de mère. Parce que en l'aidant à enfiler sa chaussure de cuir, elle le fait passer à un autre stade. Celui de la marche, celui de la séparation à venir, celui de l'autonomie. Hein. Pousse, pousse, plus fort, dit-il. Et comme si, je cite, elle accouchait du fœtus de mon petit pied le long de l'utérus virginal de la nouvelle chaussure qui sentait si bon. Mmh. Hein. C'est-à-dire que par ce geste aimant, la mère le pousse vers la vie. Elle le pousse vers un espace, l'intérieur de la chaussure, auquel elle n'a pas accès. C'est-à-dire qu'elle accepte que son enfant lui échappe, en quelque sorte, hein, et fasse une expérience sur laquelle elle n'a pas de prise. Elle pousse ce petit morceau d'elle-même, et comme par un fondu enchaîné, on pourrait dire, en même temps qu'elle lui donne naissance, elle l'invite à conquérir, à s'engager, à se projeter. C'est-à-dire que l'objet poussé devient pousseur. L'objet poussé devient pousseur. Hein. Et je pense que c'est là que se forge, se cristallise cette force d'être, cette force ose, cette intensité d'être qui sera un viatique toute sa vie. Sur la question des objets aussi, il y a le rapport à l'observation. Parce que Amos Oz, c'est quelqu'un qui, tout petit, et notamment parce qu'il s'ennuyait parfois avec ses parents, quand ses parents l'emmenaient au café, par exemple, il a appris à passer le temps en regardant. À observer. Ouais. Et il le faisait toujours, parce qu'il disait que même chez le dentiste, par exemple, ou dans les aéroports, il était un petit espion qui tout transformait tout en écriture. Lorsque dans ce monde très névrotique, très tchékovien, dit-il, hein, ses parents avaient rendez-vous le dimanche sans doute, ou un autre jour avec leurs amis au café, il devait en un premier temps répondre poliment et intelligemment aux questions. Et une fois qu'il avait rempli son office, il devait se taire, être transparent, être silencieux. Et c'est alors que son père pérorait, faisait des jeux de mots, faisait le joli cœur, aguichait les femmes, ou faisait semblant d'aguicher les femmes, lui observait. Les tables voisines, il regardait son petit monde. Et là, qu'est-ce que le psychanalyste humaine, nous dit de cela, alors? Pardon? Qu'est-ce que le psychanalyste que vous êtes nous dit de cette position? Je crois que c'est là qu'il a porté une grande attention aux autres. J'ai été frappé, lors de ses obsèques, par le fait que la grande photo qui figurait sur le mur derrière le cercueil, enfin, lors de la cérémonie, c'était une photo d'Amos Oz, avec un regard pénétrant, comme il l'avait, et une main sur la joue. C'est-à-dire qu'il avait à la fois une attention portée à l'autre et une réflexion intérieure. Cette main posée sur la joue, je pense que ça dit beaucoup de lui. La Jérusalem que mes parents convoitaient se trouvait loin de chez nous, à Rehaïvia, noyée dans la verdure et le son du piano, dans 3 ou 4 cafés au lustre doré, rue Yafo, ou Ben Yehuda, dans les salons du YMCA, à l'hôtel King David, où des Juifs et des Arabes, épris de culture, retrouvaient des Anglais éclairés et aimables, où des dames rêveuses, aux coups graciles, glissaient dans leurs robes de bal, aux bras de messieurs en habits sombres, où des Anglais, à l'esprit large, s'attablaient en compagnie de Juifs cultivés et d'Arabes instruits, où l'on donnait des récitals, des réceptions, des soirées de lecture, des thés dansants et des causeries artistiques raffinées. Et il est probable que cette Jérusalem-là, avec ses cristaux et ses thés dansants, n'existait que dans les rêves des bibliothécaires, des professeurs, des employés ou des relieurs de Kerem Avraham. Quoi qu'il en soit, elle ne se trouvait pas chez nous. La compagnie des auteurs sur France Culture. Peut-être parler un petit peu de Jérusalem pour terminer, même si c'est pas la ville qu'il a au fond le plus fréquentée après, c'est vraiment la ville de l'enfance. Oui, c'est la ville de l'enfance que ses parents n'aimaient pas parce qu'effectivement c'était le cadre de leur mal-être, de leur échec, de leur déception. Et c'était aussi le cadre de où vivait, en tout cas dans ce quartier de Kerem Avraham, une communauté russe. Tchékovienne, dit-il, c'est-à-dire... Et tolstoïenne avec... aussi. Hein? Tolstoïenne aussi, je crois. Ça, c'est un peu grandiose, Tolstoï. Il disait qu'il y avait des Tolstoï, ou des gens déguisés en Tolstoï, oui, c'est ça, tous parce qu'il avait une grande barbe. Oui. Mais dans leur façon d'être et dans leur valeur, il n'est pas très... Des tout petits Tolstoï. C'est ça qui le choque, d'une certaine façon. Oui, oui, oui. Ce ne sont que des petits Tolstoï. Mais... ce qui caractérise, je crois, cette communauté et qui frappe de plein fouet son père, c'est cette névrose liée à ce divorce qu'il y a entre leur idéal proclamé, le sionisme, et leur culture. Le père se tortille toute sa vie parce que il a affaire, quand il a affaire à des prolétaires, quand il a affaire à des ouvriers agricoles, des ouvriers, hein, qui ont les ongles sales, qui sont le sel de la terre, des pionniers, hein, les rayotim, alors que lui est un bourgeois. Peut-être un petit bourgeois en costume. Il est de droite, alors que eux ont un idéal socialiste. Hein. Et il est très déchiré parce que, au fond, il a la conscience d'une certaine supériorité sociale, mais en même temps, il a la conscience d'avoir déserté, d'être un traître, d'être un planqué. En fait, ce qu'on comprend dans ce que vous dites, c'est que les romans d'Amos Oz et l'autobiographie d'Amos Oz, c'est très proustien, parce que c'est un travail sur les sentiments, c'est une analyse très fine des sentiments, mais en plus de sa propre famille, et puis c'est un travail aussi sur la mémoire. Tout à fait. Et donc, effectivement, la question qui taraude le père et à laquelle il ne va jamais trouver de réponse, c'est lorsque je rencontre un prolétaire ou un ouvrier, est-ce que je dois lui parler avec hauteur du fait de mon origine sociale, ou est-ce que je dois lui parler avec humilité du fait de ma défaillance comme sioniste? Alors, il ne s'en sortira jamais. Il ne s'en sortira jamais. Et aussi, il faut peut-être dire, on ne l'a pas dit, que le père d'Amos Oz s'est remarié très vite, après la mort de sa mère, et ça aussi, ça a été un motif de rupture, puis un motif de mépris du fils envers le père. C'est-à-dire qu'au fond... La dernière image que le fils a du père, c'est effectivement le fils enfant et adolescent, c'est ce père troublant parce que sexuellement actif, ce qui fait quand même résonance avec son actualité d'adolescent. Hein. Et je ne sais pas s'il le méprisait, mais en tout cas, ça lui a posé beaucoup de problèmes, le comportement du père. Et le père est parti à Londres, il s'est remarié, il a eu d'autres enfants, et leurs relations se sont beaucoup distendues. Jérusalem, c'est aussi le soleil, comme d'ailleurs tout Israël, c'est le soleil, c'est la Méditerranée. Pas toute l'année. Peut-être pas toute l'année, mais quand même, c'est assez ensoleillé. Et le soleil, la mer, ce sont des éléments qui sont constitutifs de la littérature et aussi du rapport à la vie, peut-être même tout simplement d'Amos Oz. Oui, mais le problème, c'est qu'à Jérusalem, l'été est brûlant et l'hiver est humide et froid. Hein, on n'y est jamais vraiment bien. Ouais. Hein, voilà. C'est pas la Côte d'Azur. Hein. Voilà. Et de cet enfermement à Jérusalem, il avait deux échappatoires. C'est d'une part le rêve des kibbutzim de Galilée, avec les pionniers bronzés, vigoureux, armés, vaillants, héroïques, etc. Et d'autre part, Tel Aviv, la modernité, avec des gens qui savaient nager. Trouvez-moi ça, quelqu'un c'était extraordinaire, dit-il, un juif qui sait nager, avec toujours l'ironie qu'il caractérise. Trouvez-moi quelqu'un à Jérusalem qui sache nager. Voilà. Eh bien écoutez, merci beaucoup Marc Laurent. Je rappelle que vous êtes psychanalyste et que vous avez co-dirigé l'ouvrage collectif intitulé Amos Oz, écrivain d'une langue et d'une terre de point Israël, issu d'un colloque organisé en novembre dernier par l'Association culturelle et sociale israélienne de Reims. On peut bien entendu commander ce livre en librairie. C'était La Compagnie des auteurs, une émission de Laurence Genepin, Laurence Millet, Anne-Vanessa Prévost, Didier Pinault, Garance Mazelier et Anthony Thomasson. Demain, nous parlerons davantage de la littérature d'Amos Oz et approfondirons les grands thèmes de cette littérature. Mais tout de suite, eh bien, c'est le retour de la poésie avec les lectures de textes choisis, comme chaque jour, par Jacques Bonafé. Bonjour, bonjour la compagnie. Flora Bonfanti ne pratique pas la poésie du petit paquet. Il n'est pas prévu sur la page cet instantané des visions contenu dans un paragraphe calibré, le poème, un hiver ni versé, ces versets débordent et forment un fil ou un ruisseau. Réseau ? Non. Ruisseau, j'articule pourtant. Son poème est cet écoulement en forme d'essai, utilisant la poésie par souci de vérité. Flora Bonfanti, lieux exemplaires aux éditions 1, Asymétrie. Dans une favela, un centième des habitants sont criminels. Tous les autres sont un silence qui ne s'entend pas. Un silence qui ne forme aucun récit. Imaginez une pièce emplie d'humains tous silencieux. Si un seul émet un bruit, elle perd son silence. Le silence de la pièce se compose de tous les silences. Un seul bruit masque tous les silences. Le mal est comme un bruit. Le bien comme le silence. Deuxième page. Comme Flora fait entendre les mots, elle fait bien entendre les silences qui les emboîtent. Mais chut. Dans un jardin, une mère caresse son enfant endormi, un silence qui ne déborde pas les bords du jardin. Sur un lit sourit deux amoureux, un silence qui ne déborde pas les bords du lit. Commis le même après-midi, un meurtre étale son bruit sur la ville, sur le pays, sur le monde. Le bien se projette comme un murmure prononcé dans une salle sourde. Le mal se projette comme un cri poussé dans un amphithéâtre, enregistré par des microphones reliés à la radio. Ça a été écrit pour les crises actuelles. Non, c'était écrit avant, c'était valable avant aussi. Mais reprenons le poème de Flora Bonfanti. Contrairement au bien, le mal se publie, dit le poème. La communauté a le devoir de rendre publiques ces manifestations, pour agir contre elles, disons-nous, afin de prendre les médicaments, afin de parfaire la communauté. Nous nous informons de ses défauts, que cette fin soit ou non avérée par la suite, que nous agissions ou non sur les défauts signalés, cela ne change en rien un fait. Cette fin est le passe-partout du récit du mal, la clé qui lui ouvre toutes les portes, son passeport pour la planète. Une fille traîne sa valise à roulettes dans une rue pavée. Elle n'entend pas le bruit qu'elle produit. Le mal est comme un bruit. Il faut le subir pour sentir la perturbation qu'il crée. Il faut une distance pour voir sa forme. Être dans le bruit, c'est ne plus l'entendre. Tiens, pourquoi pas une citation de Valérie Rousseau dans « Sens averse ». Très cher petit papa Noël, j'aimerais si tu le veux bien, que tu laisses au pied du sapin un bon silence vraiment complet. Le vide en mon petit soulier. Oui, ça n'est plus d'époque, c'est vrai. On continue. Qu'est-ce que le bonheur ? C'est être heureux. Non, c'est être heureux et conscient de l'être. Peut-être. Le bonheur, c'est être conscient. Être heureux et conscient de l'être, c'est être dans le silence et l'entendre. On n'entend un silence qu'au passage du bruit au silence. C'est la disparition du bruit qui s'entend. Entendre le silence, c'est contrarier la nature. Être conscient, c'est être dans un bruit et entendre le silence. C'est contrarier deux fois la nature. Merci Jacques Bonafé. Vous nous lisez cette semaine des poèmes de Flora Bonfanti, dont l'ouvrage « Lieux exemplaires » est publié aux éditions Une.